L'association d'amitié Bulgarie-Corée a fait paraître le bulletin de février à l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il. L'auteur y indique que Kim Jong-il a sauvegardé le socialisme et que plusieurs livres ne suffisent pas pour décrire ses immenses exploits accomplis pour la cause socialiste du monde. Il explique que le général coréen a argumenté scientifiquement les absurdités des antisocialistes qui critiquent que le socialisme est régi par le totalitarisme, la manière de caserne et la manière d'ordre administratif.